Le temps passe. Des rêves plein la tête qui nous envahissent. On est devenu adeptes quand aucun se réalise. Nos pensées s'obscurcissent, aussi sombres comme les abysses. Parce que pour l'homme, la réussite c'est sa devise. Plus le temps d'apprécier le temps de regarder les couleurs vives, arc-en-ciel, celles de l'automne. Nos idéaux ont pris le monopole. Notre esprit n'est plus libre, conditionné, emprisonné dans nos vies façonnées, écrites comme dans un livre. Trop de monde souffre dans ce monde de ouf. Parfois on croit tomber au fond d'un gouffre où il n'y a plus d'issue, tout est dans le mental. On se sent perdu sans idéal, déçu quand celui-ci n'est pas réalisable. Perdre c'est une faille, on nous inculque dès l'école. Il faut être le meilleur au travail, aimer la compétition, récolter le plus de médailles sans connaître sa vraie passion. Savoir être à l'écoute de soi-même et comprendre nos problèmes, jamais on nous l'enseigne. On devient comme un apôtre, la crainte de passer pour un crétin auprès des autres. On s'enferme dans un moule, on ne fait que accompagner la foule en attendant que la roue tourne. Mais l'espoir alimente le désespoir, il nous éloigne du réel en croyant que tout nous tombe du ciel. Le temps passe et l'homme de plus en plus se lasse, vit dans l'angoisse devant ses rêves qui trépassent. Le temps passe et nos pensées jamais n'effacent le passé qui nous pourchasse. Le temps passe vite et cela nous irrite, toujours à la poursuite de la réussite. On ne vit jamais dans l'instant, alors c'est ce qui est le plus important. Le temps passe et l'homme de plus en plus se lasse, vit dans l'angoisse devant ses rêves qui trépassent. Le temps passe et nos pensées jamais n'effacent le passé qui nous pourchasse. Le temps passe vite et cela nous irrite, toujours à la poursuite de la réussite. On ne vit jamais dans l'instant, alors c'est ce qui est le plus important. Le temps passe. L'argent c'est attractif, rend les gens possessifs. Beaucoup veulent devenir riches, se retrouver en haut de l'affiche, distinguer des autres, oubliant ceux qui sont pauvres de naissance ou qui n'ont pas eu de chance. Quelle importance ce qui se passe dans ce monde, on s'en balance. On pense tout le temps à soi-même, pas à ceux qui nous aiment, sans que ça nous gêne. La peur de ne pas exister est de plus en plus dans nos gènes. On se sent petit, rabaissé par ceux qui ont réussi et sont maintenant aisés. Se comparer montre un manque de confiance en soi, et c'est pour ça que l'on boit, fume et donc se consume. Quitter la réalité, partir loin pour sentir bien avec et d'un spliff, c'est l'objectif pour certains. Dans leur tête, tout est incertain, on se dit que c'est le destin, ou encore mieux que c'est la volonté de Dieu. Alors que le mieux pour être heureux est apprécier l'instant, ouvrir nos yeux sur le présent. Le temps passe et l'homme de plus en plus se lasse, vit dans l'angoisse devant ses rêves qui trépassent. Le temps passe et nos pensées jamais n'effacent le passé qui nous pourchasse. Le temps passe vite et cela nous irrite, toujours à la poursuite de la réussite. On ne vit jamais dans l'instant, alors c'est ce qui est le plus important. Le temps passe et l'homme de plus en plus se lasse, vit dans l'angoisse devant ses rêves qui trépassent. Le temps passe et nos pensées jamais n'effacent le passé qui nous pourchasse. Le temps passe vite et cela nous irrite, toujours à la poursuite de la réussite. On ne vit jamais dans l'instant, alors c'est ce qui est le plus important. Le temps passe vite, toujours à la poursuite d'illusions en fuite. C'est comme faire un vœu, il faut être réaliste, à vouloir être ambitieux en vieux. On sera toujours malheureux, insatisfait de tout ce qu'on fait. Ce que l'on veut c'est être parfait, c'est tout le problème de l'homme. Jamais se remettre en question, jeter la faute sur les autres, ne penser qu'à sa pomme. Il n'est jamais trop tard pour se connaître, croire en ce que l'on est, pense que l'on devrait être. Le temps passe et l'homme de plus en plus se voit la face dans une société qui nous écrase. Tout ce qui compte, c'est nos fantasmes, remplir nos comptes, laissant l'argent dominer le monde. Par chance, il reste encore d'amour, un peu d'humour pour apprécier notre existence. Il faut en prendre conscience, le vrai bonheur c'est maintenant, pas dans le futur, car l'espérance amène la souffrance. Le temps passe et l'homme de plus en plus se voit la face dans une société qui nous écrase. Tout ce qui compte, c'est nos fantasmes, remplir nos comptes, laissant l'argent dominer le monde. Par chance, il reste encore de l'amour, un peu d'humour pour apprécier notre existence. Il faut en prendre conscience, le vrai bonheur c'est maintenant, pas dans le futur, car l'espérance amène la souffrance. Le temps passe.